J'ai mis des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés, j'espérais bien me faire griller. J'ai mis des mots que j'ai criés, j'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions, c'est pareil dans vos théâtres et vos enceintes. J'ai mis des mots comme une empreinte, j'ai mis des mots un peu partout, redistribués au coup par coup. Je sais même plus où je les ai mis. J'ai mis des mots, j'ai pas gémi, j'ai mis des mots, mais jamais trop. Dans un métro, dans un micro, j'ai mis des mots, j'ai eu les crocs, des mots nouveaux, des mots rétro. J'ai mis des mots pour compenser, j'ai pas le destin compensé, mais en passant sur le passé, on peut tracer sans effacer. J'ai mis des mots, j'ai pas médit, j'ai mis des dos, j'ai mis des mi, des mots entiers, pas des demi. J'ai mis des mots de Saint-Denis, j'ai mis des mots que j'ai couvés, j'ai tenté de les faire grouver sans entraver, rien à prouver, sans en baver. Tout à trouver, les mots vont vite, faut qu'on s'accroche. J'ai pris le tempo à l'accroche, c'est pas pour me remplir les poches, car tous ces mots c'est pour mes proches. Bonjour à tous, le collectif des radios locales vosgiennes regroupe Résonance FM, Radio des Ballons, Cristal, Radio Bellevue, RCM, Cocktail FM et Radio Guimauzo. Vous êtes à l'écoute d'une de ces radios et nous vous proposons une nouvelle émission de l'Action Slam. Vous pouvez voter pour votre texte préféré en nous envoyant son numéro à l'adresse suivante slam@radioguemozo.eu slam@radioguemozo.eu. Qui que vous soyez, vous pouvez aussi participer en nous faisant parvenir votre slam sur le thème de votre choix en version sonore ou écrite à la même adresse. Voici le texte numéro 1. Harcèlement, ne pas être accepté comme la personne que l'on est, être ignoré, jugé, insulté, humilié. C'est cet harcèlement auquel tu es voué. La violence verbale, ce ne sont que des mots, mais des mots qui font mal et qui provoquent des bobos. Mais tous ensemble, on y arrivera, soyons solidaires, le harcèlement le vaincra, et ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous guérirons tes plaies profondes. Ta tristesse fera place à la joie, une seconde chance s'offrira à toi, contre ces personnes immondes. Tous ensemble, on y arrivera, soyons solidaires, le harcèlement, on le vaincra. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ne finis pas comme tous tes prédécesseurs, qui meurent de douleur, suite aux violences morales, dans l'indifférence générale. Il faut leur témoigner, car tout acte a des conséquences, à nous de leur enseigner, et de leur en faire prendre conscience. Flora. Numéro 2. Ces tristes fascistes, regardez-les, ces tristes fascistes, brandissant leur beau drapeau, de la liberté ils sont antagonistes. Ils vont par mont et par veau, dans leur tenue noire corbeau. Obéissant comme bons soldats, devant leur fidélité bornée, tout soldat est égorgé, femme, enfant, bon à brûler. Par ces fascistes d'un pays sans droit, regardez comme le grand-duc est fier de sa tromperie, fier d'un manipulateur accompli, contemplez l'assassin de Matteotti, admirez le grand Mussolini. Considérez ces sauvages baroudeurs, étripaillant gaiement avec leurs licteurs. Face à la folie de leur barbarie, mon refuge se trouve dans la poésie. Regardez ces tristes fascistes, brandissant leur drapeau d'arriviste. Pierrot. Numéro 3. Réalité confondue. Tous obnubilés par un bout de ferraille trafiqué. Plus de conversation réelle, plus que du virtuel. Les mots passent par les touches, et plus rien de réel ne nous touche. Entre mon tel et mes proches, je me demande de qui je suis le plus proche. Deux mondes plus ou moins réels, comment différencier ces parallèles? Donner une image parfaite, mais d'une réalité obsolète. Se donner du pouvoir, alors que l'on est au désespoir. Derrière un écran, on est puissant, mais dans la réalité, on est tous effrayés. Deux mondes plus ou moins réels, comment différencier ces parallèles? Réalité confondue, perte de réseau, code perdu. Différencier le vrai du faux est compliqué quand on est obnubilé par les technologies avancées. Avancée temporaire aux résultats éphémères, deux mondes plus ou moins réels, comment différencier ces parallèles? Tout est confondu, l'humanité est-elle perdue? Fanny. Numéro 4. Soir d'été. Et quel crime est-ce donc de se mettre à son aise, quand on est tendrement aimé et qu'il fait chaud? On est si bien tout nu dans une large chaise. Croyez-moi, belle dame, et ne vous en déplaise, si vous m'apparteniez, vous y seriez bientôt. Vous en crieriez, sans doute un peu, mais pas bien haut. Hugo. Numéro 5. Condamné. J'ai perdu le sommeil car la réalité me réveille. On a volé ma maison, volé mes amis, volé ma raison, volé mes envies. Israël et Palestine en paix, on y arrivera, quoi qu'il adviendra. On se fait la guerre juste pour une terre, oubliant que la vie est éphémère. J'ai le cœur qui saigne, je suis blessé, impuissant face à cette armée. Israël et Palestine en paix, on y arrivera, quoi qu'il adviendra. Face à ce désarroi, je n'ai plus le choix. Dois-je baisser les armes parce qu'on me prive de tous mes droits? On sait tous qu'il n'y a jamais de paix sans guerre. Mais quand est-ce que mes adversaires deviendront enfin mes frères? Israël et Palestine en paix, on y arrivera quoi qu'il adviendra. Iman. Numéro 6. Au milieu des âmes déchirées, Caron vend le passage pour rejoindre les damnés et braver l'océan des âmes. Il vend l'enfer et partage la mort, il écoule Théta et deal avec Lucifer. Le Styx emportant par vagues les victimes de ce marché, certains emportent leur dague pour achever cette armée. Jusqu'au moment où ça dérape, que les flammes le rattrapent et l'emmènent au loin, privant ses clients de ses soins. Leur vie se consume aussi vite qu'il fut, révélant ainsi dans leur cœur le froid de la peur. Rémi. Numéro 7. Il en est passé des belles soirées, couchées de soleil, rencontres merveilles. Nos yeux croisés, sentiments décuplés, coups de foudre assurés. Quand soudain, un matin, une fille dans mon lit. Âme brisée, destin bafoué, tout est brutal, destin fatal. Laurine. Numéro 8. Ces beaux grands arbres, d'où tenez-vous ces silhouettes de marbre? Jolis que votre hameau, voguant sur la terre tel un bateau. Immobile, tenant contre vents et marées, mais les hommes sont venus vous écorcher. Vous leur êtes pourtant bien utiles, mais cela le réalise-t-ils? Les forêts font respirer l'humanité, les hommes les ont enflammées. Pour faire des élevages intensifs, pourtant l'humanité pourrait se réguler, mais leur technique est expansive. Oui, il faut réinventer l'humain, le réinventer ou c'est la fin. Numéro 9. Stéréotypes. Des clichés. J'en entends régulièrement, c'est tellement absurde. Les Turcs mangent tous des kebabs et détestent les Kurdes. Les Juifs ont des gros nez et sont proches de leur monnaie. Des clichés sur tout et tout le monde. Les Portugais, poilus, tous dans le bâtiment. Les Français, bérets et baguettes. Et les Italiens, pasta, pizza et tutti quanti. Des clichés à tout va. Des clichés, il n'y a plus que ça. Les Japonais, tous les jours, des sushis. Les Chinois, eux, ils n'aiment et le riz. Des clichés à tout va, à tout bout de champ. On en entend. Tout le temps. Mais est-ce vrai tout cela? Moi, j'y crois pas. Les clichés n'atteignent pas. Pauvre type, gardez vos stéréotypes. Chloé. Et Chloé. Numéro 10. Une danse répétée. Une tenue, volupté, légère. Du vin et un charmant partenaire. La soirée ne fait que commencer. La danse, je la connais. Répétée, réitérée. Depuis mon premier bal, je n'ai cessé, lors des valses, de me laisser aller. Je les accueille en mon sein, m'emplis de leurs âmes qui, se réfugiant au creux de mes reins, me font chanter au corps de la nuit. Depuis mon premier bal, je n'ai cessé, lors des valses, de me laisser aller. Seulement, me voilà jugée, par de petites âmes frustrées. Qu'elles viennent donc avec moi valser, à leur tour, elles vont chanter. À peine la pipe aux lèvres, sa fumée, telle la rosée, s'y dépose. Délicatement, il cueille ma rose. Comme valser me donne la fièvre. Angèle. Numéro 11. Le dopage à mauvais usage. Tout commence par ce sourire lors de cette entrée en piste. Tout le monde vous regarde comme si c'était vous l'anarchiste. Tu chausses tes pointes comme un artiste prêt à en découdre avec cette piste. Cette piste pourtant si maudite que tu es prêt à vaincre comme un gladiateur. Plus rien ne compte pour toi, hormis l'envie de battre cette peur. Tu te mets dans tes starting blocks, ta Usain Bolt. Tu ne penses plus à rien, à part mettre les volts. Le pistolet est prêt à faire partir cette balle à une vitesse canon, mais tu sais qu'au fond, tu vas partir plus vite que la vitesse du son. Tout commence par ce sourire lors de cette entrée en piste. Tout le monde vous regarde comme si c'était vous l'anarchiste. Le départ est donné, tu pars comme un cinglé. Au bout de 100 mètres, tu te demandes où est l'arrivée. Tout en sachant que tu as peiné, tu veux quand même continuer. 200 mètres, ton corps commence à lâcher, ton souffle, lui, a déraillé. C'est à ce moment-là que ton coach te crie dessus. Comme si tu étais Jésus, tout le monde se tue. Le petit nouveau alors inconnu faisait sensation. Rien à voir avec ses professionnels des abandons. Tout commence par ce sourire lors de cette entrée en piste. Tout le monde vous regarde comme si c'était vous l'anarchiste. 350 mètres, c'est là que tu joues toute ta vie. Derrière ce sourire si tranquille, se cachait une immense envie. Une envie qui pouvait battre tout, tout par-dessus tout, au point de faire des ravages dans ton sillage, sauf peut-être avec ceux qui utilise le dopage. Costa Luco. Numéro 12. Tu me fascines, tu m'abîmes. Intimement, tu me fais frissonner. Faiblissante, tu sais me relever. Amoureusement, je réinvente ton pseudonyme. On fait l'amour sans se quitter au petit matin. Insensiblement, les autres nous envient. Et puis, tu ouvres une nouvelle page de ma vie. Ce serait mentir de te dire que ça ne me manquerait pas. Les grains de beauté de ton dos, ou encore ta peau sur la mienne. Nos corps se nouant sous les draps. Les situations vécues ne peuvent être remplacées. Unis, il doit nous en rester 100 000. Celles qui surviennent tard au cœur de la nuit, affermies par une douce pluie, sont celles que je préfère, car nous sommes aimés. Ce serait mentir de te dire que ça ne manquerait pas, les grains de beauté de ton dos, ou encore ta peau sur la mienne, nos corps se nouant sous les draps, et puisque nous n'avons qu'une seule vie, nous n'avons qu'à nous aimer à l'infini, sous les draps, dans le métro ou même au cinéma, jamais rien ne nous atteindra. Ce serait mentir de te dire que ça ne manquerait pas, les grains de beauté de ton dos, ou encore ta peau sur la mienne, nos corps se nouant sous les draps. Tiffany. Numéro 13. Soit noir ou blanc, un jour ou l'autre on est parents. Faudrait éduquer sans se tromper, même si parfois on fera semblant. Mentir pour assurer ses enfants, au final rien de bien différent. Que l'on soit noir ou blanc, un jour ou l'autre t'as des responsabilités. Faudrait réussir à conserver tes amitiés, même parfois souffrir et tout quitter. Que l'on soit noir ou blanc, au final rien de bien différent. Un jour ou l'autre on aura 60 ans, faudra regarder dans le rétro en rigolant. Même les moments les plus désespérants, même si la vie s'est barrée avec les ans. Que l'on soit noir ou blanc, au final rien de bien différent. Un jour ou l'autre faudra crever, faudra tourner la page et accepter, même que c'est notre destinée. Même si t'as pas pu en profiter, que tu sois noir ou blanc, finalement rien n'est différent. Enzo. Numéro 14. Le kiff de Thierry. Thierry, 25 ans bientôt, chaque jour il monte sur son dos. Il ne peut pas la quitter sans se retourner. Alors quand il n'est pas là, le monde est divisé. Il n'y a plus d'humanité, car rien ne lui résistera. Mais en ces temps encombrés, ils ne peuvent pas être nés à nez. Et pendant toute cette saison, tout a goût de poison. Alors quand il n'est pas là, le monde est divisé. Il n'y a plus d'humanité, car rien ne lui résistera. Alors qu'il pense chaque seconde à la chevaucher, il doit rester là, comme empoisonné. Alors le désir augmente, attendant la détente. Alors quand il n'est pas là, le monde est divisé. Il n'y a plus d'humanité, car rien ne lui résistera. Les beaux jours vont venir pour pouvoir la dévêtir, ôter tous ses habits pour la montrer à ses amis. Alors quand il n'est pas là, le monde est divisé. Il n'y a plus d'humanité, car rien ne lui résistera. Alors il montera dessus, l'allumer sans être déçu, car sa moto il la trouve si belle, et elle lui restera fidèle. Lucas. Numéro 15. Une rencontre mélancolique. Un jour, je t'ai rencontré et mon cœur s'est emballé. Tout a commencé quand nos regards se sont croisés. Tu m'as fait perdre la tête, depuis ce jour, tu hantes mes pensées. Tu m'as tellement bouleversée que je me suis sentie bête. Je n'ai pas su te le dire, je n'ai pas su te le retenir, et maintenant, je suis si triste. Comment te retrouver? Comment te l'avouer? Cette histoire m'attriste. Chloé. Numéro 16. Dame Cruauté. Sans avoir le temps d'y penser, Dame Cruauté est déjà née. Dès les premiers pas de l'humanité, sa personnalité s'est forgée. Enfant, cassant les joies des autres. Adolescent, rabaisser et écarter les autres devient sa passion. Chaque jour, nous côtoyons Dame Cruauté. Même face aux ennemis, elle reste déterminée. À l'aide de son meilleur allié, elle triomphera, qui n'est qu'autre que son caractère qu'elle exploitera. Mais dis-moi, ton passage à l'âge adulte ne fera-t-il qu'augmenter ton rôle occulte ? De la chenille au papillon, Cruauté va évoluer. Elle déplorera ses griffes pour nous lacérer. Chaque jour, nous côtoyons Dame Cruauté. Même face aux ennemis, elle reste déterminée. À l'aide de son meilleur allié, elle triomphera. Mais dites-moi, qui l'arrêtera ? Sarah. Léa. Numéro 17. Non. Une goutte de sueur perle au coin de mon front. Là, j'ai vraiment envie de passer à l'action. Quand il me raconte ses blagues salaces, je détourne la tête avant qu'il ne m'enlace. J'aurais aimé pouvoir dire non, mais la peur n'est pas une invention. Ce n'est pourtant pas la première fois, et pourtant cette fois, j'ai le choix. De dire non et de partir, de m'enfuir et de ne jamais revenir. J'aimerais pouvoir dire non, je vise une agression. Pourquoi ai-je si peur que tout recommence avec encore plus d'ampleur? Je veux arrêter cet inlassable destin qui me suit avec tant d'entrain. J'ai enfin su dire non, c'était une vraie révélation. Et pour la première fois, j'ai fait le bon choix, celui de survivre et de pouvoir enfin vivre. On doit toujours pouvoir dire non et sortir de ses gonds. Les femmes ont le droit de vivre sans avoir peur de survivre. Non, non, non, n'est pas un mot sorcier. Il devrait être plus souvent employé, mais surtout encore plus être écouté pour empêcher toutes ces vies d'être bousillées. Clémence. Numéro 18. 9h du soir, nos regards se croisent. Jeune demoiselle, plongée dans le noir, c'était Chloé et j'ai craqué. Dans la pénombre, j'avance, sous un crachin d'automne, une silhouette, forte et son élégance, curieux, mon corps est plein d'hormones.